Appelle-moi Michael Myers au mic. J'découpe, coup de lame à chaque couplet, ma gueule. Écoute, Lender, cover, chirurgien. Lyrical, normal si l'hémorragie survient. Car j'opère à vif, les nerfs à vif. Hyperactif, peur à créatif, impératif pour faire la tif. Conçu pour faire mal, violence verbale, sans bite infernale. Je laisse infirme, je reste incernable. Dans un système où tout nous étrangle. Moi j'arrache le mauvais œil et coupe les mauvaises langues. Même sans scalpel ni blouse blanche. En douce quand tous flanchent. Je découpe la prod en 12 tranches. Appelle-moi Dexter, expert en bain de sang. Discret, déter, mec je suis en plein dedans. J'ai toujours voulu devenir chirurgien. Meurtre au mic, c'est mon côté sombre qui surgit. C'est pas du rap, c'est de la chirurgie. Sors les outils que je dissèque, le beat. Tape le 17 ou bien tape la fuite. Mec, si tu veux pas voir la suite. Meurtre au mic, je me revendique, j'en suis l'auteur. C'est pas du rap, c'est un film d'horreur. Vite, vite, sors les outils qu'on démonte le beat. Démontrer qu'on peut démembrer le titre et fuck, c'est pitre, yes. Appelle-moi Dr House, quand je t'opère sans anesthésie. Appelle-moi marchand de vent, quand je refais le monde avec des scies. Et si la caille s'épaissit, le petit mort sort les rasoirs. Par ici la thésie, à des airs de bloc opératoire. Pas de chichi apprécie, on vient souiller les blouses blanches. Une foule danse, les boules d'ange, m'immisce avec un trou de hanche. Et coupant tout le temps ma ganache, repousse les gens. Attention, je foule les gants, les glandes et je retrousse les manches. Appelle-moi Jason quand je rappe, c'est vendredi 13. Une grande claque, je plaisante, ap quand je te dis que je blesse. C'est de la torture pour les charlatans, les gens qui testent. Fini de jouer les gentils, c'est de la violence en guise d'anti-stress. Quoi qu'il se passe, sans qu'il se presse, sans qu'il se teste. Blunder avance dans ce business à grande vitesse. Quand le rap m'ennuie, que je suis en manque d'ivresse. Les sons hardcore percent, m'éloignent de tant de tristesse. Meurtre au mic, c'est mon côté sombre qui surgit. C'est pas du rap, c'est de la chirurgie. Sors les outils que je dissèque, le beat. Tape le 17 ou bien tape la fuite. Mec, si tu veux pas voir la suite. Meurtre au mic, je me revendique, j'en suis l'auteur. C'est pas du rap, c'est un film d'horreur. Vite, sors les outils qu'on démonte le beat. Démontrer qu'on peut démembrer le titre et fuck, c'est pitre, yes. C'est pas du rap, c'est une frappe chirurgicale. Si tu chicanes, ce sera une frappe Steven Seagal. Pas trop dansant que de la violence dans le champ lexical. En autoprod, ma propre prod, sans merci, j'canne. Je veux être autre chose que tout ce que c'est MC clame. J'ai la rime tranchante, j'opère et prends la tangente. En clair sang que j'rentre, dans les détails quand j'chante. C'est acte de barbarie, le pitre part sans chant. Appelle-moi Freddy Krueger quand j'te taille à de la façade. Featuring Michael Myers, bal masqué et mascarade. Un bain de sang à la Scala, des diamants et des scalpas. J'fais couler ton mascara, la violence fait de l'escalade. C'est panique sur l'esplanade, c'est pas de la cesse plein de scène. Chirurgien et charcutier avec scalpel et bec benzen. Parce qu'on est des mecs intègres, ici bas les miens traînent. On va partir les pieds devant mais on partira les mains pleines. Meurtre au mic, c'est mon côté sombre qui surgit. C'est pas du rap, c'est de la chirurgie. Sors les outils que je dissèque, le beat. Tape le 17 ou bien tape la fuite. Mec, si tu veux pas voir la suite. Meurtre au mic, je me revendique, j'en suis l'auteur. C'est pas du rap, c'est un film d'horreur. Vite, sors les outils qu'on démonte le beat. Démontrer qu'on peut démembrer le titre et fuck, c'est pitre, yes. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,